Ils ont mis un contrat sur l'instru, appelle-moi le tueur à gage. J'ai dribblé le gardien, y'a plus qu'à rentrer dans la cage. J'arrive en dérapage avec les petits qui pètent la tâche. Alors tu voulais jouer à la vache, j'suis pas comme vous, j'niffe pas la mâche. Sous Grigousse, faut que je ralentisse, faut que je ralentisse, faut que je ralentisse. Pendant que les grossistes parlent en kill, toi tu parles en 10. 2017, y'a pas photo niqué. J'rappe pas pour niquer, encore moins pour finir proliqué. Ça décapote, ça roule éteint entre nous, pas trop de politesse. Quelle adrénaline quand on mélange à col vitesse. J'ai pas la tête à te dire moi ce qui ne va pas. T'as fait la pute, je le sais déjà, si tu crois que ça sera pas. Là je pète un câble parce que je veux vivre sur le sable. Ça me paraît fabuleux, rap à l'ancienne comme Fabulous. Des trous sur ma blouse, et même pas je culpabilise. Toujours avec le cause, quand je m'entabérise. Et arrêtez, arrêtez, c'est la voix du flic, j'ai entendu avant de m'arrêter. Là c'est les deux, tu peux me voir sur le jardin en train d'écouter de la variété. J'écoute du Renaud dans l'Audi, je freestyle, on m'applaudit. Je suis en fumette et chez moi je rigole même sur mes parodies. On va essayer de miser dans la sape, on va pas cracher dans la soupe. J'ai le vent en poupe, les fonds guettent à la loupe. Et quand je suis pas là là ou toi, je vois que tu t'es néné. Et quand je suis pas là là ou... Mais où tu vas mon cousin, au casin avec tes mocassins. Je peux blague sur Jodassin, je me casse la tête avec des mots pas simples. J'ai braqué l'assassin avec Tiquita l'an passé. Ce sens c'est comme une gif, tu vas finir les dents cassées. Au quartier on respecte, on s'écarte, on laisse les gens passer. Quand il fait froid on se porte de caisse en caisse, tous entassés. À Marseille on a la plage, on a l'OM, on a les beaux mecs. J'ai vu que le monde tient, j'ai vu que les filles aiment pas que les beaux mecs. J'ai vu que tout s'achète, elle a mis du shit dans sa chute. Je sais que ça attend ma chute, alors je nique tout autant que je peux. Arrête de chanter, on se reverra celle à celle. Pas besoin de faire de la salle, des mecs cagoules montent sur la selle. MC sur la sellette, tu le célèbre. J'suis pas le maître, j'suis pas l'élève. J'suis pas trop bisous bisous, j'sais pas où elle me célèbre. J'm'en fous que j'suis célèbre. On m'appelle Love Me, J-U-L, retiens ses lettres. I kick dans les joues, j't'emballe dans les choux. Et j'm'en bats les choses, j'ai même du shit dans les choses. Alors comme ça, toi t'as le blues. Alors comme ça, toi t'as le 12. Alors comme ça, elle a le blues. Moi je me propulse et j'ai Pro Tools. L'argent on veut tous. Kamehameha le cous. Poussez-vous tous, poussez-vous tous. Je fume la fin du grid et je tousse. Il m'a mis la frousse, faut que je fasse doucement. Il est fou ce monde. Et depuis tout ce temps, si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu diras il vient d'où ce qu'on. Et rien que parce qu'on fait du rap, ils croient tout ce qu'on tire. Et on tolle, mes potes m'ont dit tout ce qu'on tine. Je fais un feat avec ce pralas sa Constantine. Et il faut tous consentir. Mais personne s'aime, tout le monde s'enterre. Pour des centimes, sur le net ils m'ont descendu. 11 albums en 3 ans, dis-moi qu'est-ce t'en dis. La sens-tu, la j'accentue. Pourtant j'aurais pas sorti les armes, juste la ceinture. J'suis venu au sud pas pour blaguer, faut que fasse un tube. Des terres comme au charbon quand tu passes un tube. Ça forme des clans, ça se dit frère et ça sent tube. Ça forme des clans, ça se dit frère et ça sent tube. Quand je débarque à Paris, ça sent le sud. L'impression que la poisse me colle comme une sangsue. Dis-toi que je suis rien sans son. Là, je suis au quartier avec tout le monde, y'a pas longtemps. J'étais sur France 2 avec Véronique. Et je suis posé là, pas loin du quartier. Je traîne avec ma bande, on dirait même pas un artiste. Tout le monde veut le million, la ville à la femme parfaite. La mise cherche le luxe, elle aime ça, elle est refaite. Je fais d'arrêt platine et j'ai jamais fait le king. Y'a pas de bling bling, on aime le bruit du bep bep. Qui dit que je suis dead? Je me promène, ma boca sur la pute-tête. Et je fume un pet, le coup dehors, je fais le sgeg. Je te colle au cul, faut que tu te lèves. Je vénère bref, je taffe même en grève. Y'a pas de trêve, c'est sombre. J'ai déjà vu cette action dans un rêve. Je perds la vie, crois pas que je kiffe. Je perds des potes, fais la diff. Quand tu perds les cheveux parce que t'as trop fait de def. C'est pas parce que t'es le plus costaud que t'es le chef. Mon pote me dit frérot, vas-y, là, si c'est une nienne. J'ai plusieurs goûts, j'aime espagnol et sicilienne. Et j'ai l'air triste comme un guitariste. Je supporte pas les journalistes. Ils montent leurs questions avant et ils te sortent des trucs qu'il y avait pas dans la liste. Elle danse sur la piste. Elle est en mini-jupe, elle croit que tout le monde la piste. J'suis comme ton pote, j'aime le bruit des KTM. J'ai assez de soucis, garde tes blèmes. J'ai pas trop le temps, l'heure qui tourne sur ma montre. J'm'en fous de ta vie, j'm'en fous de la sienne et de la mode. La crise de tech, mec, ça bat le sang impec. À part que, ils viennent toujours nous faire chier les decks. Toujours oser, toujours poser. Suffit d'ouvrir la bouche pour se faire arroser. J'suis explosé, exposé. Les civils tournent, frérot, ils m'ont donné la nausée. Elle va te coucher, si je vis, j'vais toucher. T'entends pas tes bouches, l'instru, j'la scène comme un boucher. J'la fume comme un bullshit. J'fume tellement, tellement que presque il va sortir de la bœuf quand j'vais moucher. Alors on dit quoi? Alors on dit que dans le secteur c'est dur d'ouvrir un charbon car y'a trop d'indiques. Qu'appellent les flics, si au moins ils toucheraient du fric. Et encore je ferai jamais ça, pas trahir la clique. Elle me trouve magnifique, mais dis-moi qu'est-ce que j'y gagne. C'est juste qu'une fois que je gique, j'ai besoin que de moi, ouais c'est tropical. Alors petit guignol, pareil qui t'est poussé des guibolles. Pareil que ça fait du sale. Moi je trouve que t'es devenu drôle. J'suis bien entouré. Faire les macs on pourrait. En vieillissant, tu pourris. Nous en grandissant, on pourra. Le popette quand la vitesse passe. Mon pote, on veut de l'espèce, wesh, vas-y, laisse place.